Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui à l'autre bout du fil, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzé, réalisée par Sophie Haute-Picon. Imaginez Emma Bovary demandant à son smartphone si elle doit quitter son mari. C'est ainsi que commence l'interview de Yuval Noah Harari, historien israélien dans la revue Intelligence artificielle au cœur de l'humain, édité par Libération et France Inter. Et c'est un peu ce qui arrive dans la fiction d'aujourd'hui à Didier Delacroix, un être humain comme vous, comme moi, enfin comme nous tous. Didier Delacroix vit aujourd'hui dans une société semblable à la nôtre. Il est comme nous, dépendant d'Internet, des réseaux sociaux et de son téléphone portable. Bref, il est connecté et donc, il laisse des traces, plus ou moins intimes, secrètes de lui-même et de sa vie, un peu partout sur le web. Des traces que d'autres peuvent récupérer, stocker. Et puis ces données constituent les bases de la formation qui peut être utilisée pour vous afin d'améliorer le présent, rendre plus facile le travail, les déplacements, votre vie, notre vie, ou au contraire, la rendre plus compliquée. Car si, avec l'intelligence artificielle, notre vie nous échappait, eh bien c'est ce qui arrive donc dans la fiction à Didier Delacroix. Et voici le début de son aventure. Encore vous, dit-il au téléphone, marchant dans la rue, et vous allez me lâcher? Puis vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous allez arrêter ce petit jeu à la con et citer quelqu'un que je connais. Je peux te dire que c'est pas drôle. Vous voyez l'homme qui se dirige vers vous, lui répond la voix. À une vingtaine de mètres, complet veston de bonne facture, cravate en soie, chaussures italiennes, cadre supérieur dans une banque internationale. 3, 2, 1... Mais quoi? Il vient de tomber par terre. Sébastien Moreno, 39 ans, marié, père de famille, vient de s'écrouler par terre, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Le verbe « s'écrouler », c'est quand même autre chose. Il suggère d'emblée une situation dramatique. « Fred, c'est toi, arrête de déconner !»« Je ne suis pas Fred. » Voilà. Bienvenue dans le nouveau monde. Le monde de l'intelligence artificielle. Mais que cache ce terme au juste? Car il en est question dans tous les domaines, en économie, en sciences et même en politique. Il y a ces fantastiques percées montrant que les machines conçues au départ pour aider l'homme le dépassent désormais dans des tâches spécifiques. Le secteur de la santé, les transports, l'information, l'art, le travail, l'industrie, la guerre et même les renseignements. Les robots sont déjà aujourd'hui capables de tout voir, tout entendre, tout prévoir. Bien. Mais où sont récupérées et gardées toutes ces données? Eh bien, chez les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, entre autres, ces géants du numérique dont les pouvoirs ne cessent de grandir, mais dont les responsabilités morales et juridiques sont loin de garantir notre liberté. Alors, laissons le mot de la fin à Elon Musk, le patron de la marque automobile Tesla, qui, c'est ce qu'il déclarait en tout cas à l'été 2017, disait « Je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, mais tant que les gens ne verront pas des robots descendre dans la rue pour tuer tout le monde, ils ne sauront pas comment réagir. » Alors pour mieux comprendre ces nouveaux mondes entre fantasmes et réalité, promesses séduisantes et risques réels, nous recevrons après la fiction Erwan Cario, journaliste à Libération, spécialiste de l'intelligence artificielle, avec qui nous continuerons ce voyage au pays de ce qu'on appelle maintenant, et tout le monde comprend, l'IA. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À l'autre bout du fil, de Philippe Touzé. Allô, maman ? Maman ? Pardon ? Allô ? Monsieur Didier Delacroix ? Oui ? Excusez-moi, un petit souci à régler du côté de Shanghai. Écoutez, vos problèmes de muraille de Chine, j'en ai rien à foutre. Je croyais que c'était ma mère. Je ne suis pas votre mère. Sans déconner, Allez, salut mon gars. Même dans la rue, il te lâche pas la grappe. Travaux d'isolation. Fenêtre à double vitrage. Profiter de la réduction sur les concombres. 18 caleçons pour péninsule. Ça devient infernal. Ça va mon ange? Y'a un problème? C'est pas courant que tu m'appelles à cette heure-ci? Je n'ai rien à vous vendre. Je veux que vous me rendiez un service. Encore vous? Mais vous allez me lâcher? Et puis vous êtes qui? Vous êtes quoi? Je tiens d'abord à vous rassurer. Votre compagne Sandra est au bureau. Elle est en train de rédiger un mail à l'attention de... Monsieur Dumora, qui est gardien dans une résidence. En cas d'arrêt de votre ascenseur de plus de 48 heures, panne ou travaux programmés, la société Fontana, père et fille, vous propose un service gratuit de portage de courses. Je sais pas qui vous êtes, mais vous allez arrêter ce petit jeu à la con. Et si t'es quelqu'un que je connais, je peux te dire que c'est pas drôle. Vous voyez l'homme qui se dirige vers vous? À une vingtaine de mètres? Complet veston de bonne facture, cravate en soie, chaussures italiennes, cadre supérieur dans une banque internationale? Oui. 3, 2, 1... Mais... Il vient de tomber par terre? Sébastien Moreno, 39 ans, marié, père de famille, vient de s'écrouler, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Le verbe « s'écrouler », c'est quand même autre chose. Il suggère d'emblée une situation dramatique. Fred, c'est toi? Je ne suis pas Fred. Y a que toi, Fred, pour monter un bateau aussi énorme. Je suis sûr que t'as mis Manu et Stéphane dans le coup. Fred est en train de faire visiter un 3 pièces de 86 mètres carrés. Proche du centre-ville, commerce à proximité, quartier tranquille, à un couple bien sympathique. Manu est sur son lieu de travail. Et il regarde une vidéo avec un chat qui fait peur à un autre chat. Et Stéphane est dans son restaurant. Pour être exact, le restaurant de ses parents. Il dresse les tables pour le service du soir. Ouais, c'est ça. Putain, je sais pas comment t'es arrivé à monter un coup pareil, mais chapeau l'artiste. Et monsieur Moreno, que devient-il dans l'histoire? Le type à la crise cardiaque? C'est un de tes copains? À coup sûr, c'est un gars qui fait comme toi, du théâtre amateur. Dès que j'aurai tourné le coin de la rue, le mec va se relever, salue la compagnie. Vous regardez trop de séries américaines. Le boulot, les gars, toute cette préparation, c'est impressionnant. Tout ça pour une blague. Qu'est-ce que ça va être pour mon enterrement de vie de garçon? Ah oui, c'est vrai. Vous allez vous marier dans 15 jours. Eh, t'en sais quelque chose puisque c'est toi mon témoin. Vous venez de tourner dans la petite rue à droite qui mène au boulevard. Putain, tu me vois? J'avais pas capté. Est-ce que je peux continuer à vous tenir compagnie, si ça ne vous dérange pas? Mais t'es où? Au moins jusqu'au boulevard. Sûrement sur un balcon avec une paire de jumelles? J'espère que c'est oui. Et bien sûr que c'est oui, mon con. Je veux voir jusqu'où tu peux aller dans la connerie. Très loin, j'en ai bien peur. Et là, tu me vois? Oui, oui, je vous vois. Vous êtes en train de me faire un doigt d'honneur. Putain, comment tu fais? Un drone. Tu utilises un drone. Pourquoi pas un satellite? Oui, c'est vrai. Bon, allez, c'est bon, Fred, t'as gagné. Excusez-moi, je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter pendant quelques instants. Non, mais là, c'est bon, Fred, on arrête. Une affaire urgente à superviser à Johannesburg. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis vraiment confus, c'est juste l'histoire de quelques secondes. Je valide et je reviens vers vous. Non, mais t'es lourd, là, Fred, ça va, j'ai compris. T'as gagné, t'es le plus beau, le plus fort. Je vais vous passer une petite musique, d'accord? Ça va aider à vous faire patienter. Je veux pas patienter, je veux arrêter. Vous pouvez vous remettre à marcher en direction du boulevard? Ça serait gentil. Je vais raccrocher. Vous allez me faire le plaisir d'aller jusqu'au boulevard. Et si je ne veux pas? Ne faites pas l'enfant. Allez jusqu'au boulevard et surtout, ne traversez pas. Bon, ok. Mais une fois là-bas, tu me dis comment tu fais, espèce d'enfoiré. Vous saurez toute la vérité. Ok. Putain, Fred, t'es vraiment le roi des casse-couilles, sans déconner. Depuis la maternelle, je t'ai toujours connu en train de faire des canulars à deux balles. Mais là, je dois avouer, t'es passé au stade industriel. Oh, C'est quoi cette musique de merde? Fred! Ok, j'arrête de jouer. Ah tiens, mon ami Fred, comme par hasard. Alors ça y est, tu t'es décidé? C'est la fin de la partie? Tilt? Game over? Je ne suis pas Fred. Oh putain. Arrête, là tu commences à me faire chier grave. Au boulot, j'ai une journée à la con. Sandra, on n'est pas encore mariés, elle veut déjà un bébé. Et en rentrant, c'est moi qui dois faire les courses. Je suis désolé que cette chanson ne vous plaise pas. Jennifer Landowski n'arrête pas de l'écouter. Elle adore, elle la passe en boucle. Et de quoi tu parles? C'est qui cette nana? Elle est en train de l'écouter, là, maintenant, au moment où je vous parle. Si tu continues, je raccroche et j'éteins le téléphone. Jennifer Landowski, 20 ans, étudiante à Sciences Po en deuxième année. Les écouteurs dans les oreilles. Elle envoie un texto à une copine, Melissa Vivarelli. Ça te dit une soirée sinoche? J'ai envie de voir le dernier Ken Loach. Vous la voyez? Elle est sur le trottoir, en face. Oui? Le petit bonhomme vient de passer au rouge. Ah, nom de Dieu. Juliette Simoneau, qui tient sa petite fille Béatrice par la main, s'arrête. Elle pense au dossier qu'elle va devoir finir chez elle ce soir. Béatrice révise ses tables de multiplication. Jennifer, tête baissée, arrive dans leur dos. Elle lit le texto de Melissa. Ok pour la sortie ciné, mais Ken Loach, c'est bof, bof, bof. Non, non. 7 x 3, 21. 7 x 4, 28. 7 x 5, 35. C'est pas vrai? Elle va pas traverser? 7 x 6, 42. 7 x 7, 49. Eh oh, toi! Arrête-toi! Arrête-toi! Jennifer! Comment ça, Ken Loach, c'est bof, bof, bof? Fred, fais quelque chose! Ça va, Didier? Respirez un bon coup. Ça va passer. Je m'en suis mis partout. Regardez, un monsieur vous tend un paquet de Kleenex. Tenez, monsieur. Merci. Didier, si vous voulez mon avis... Elle est... Est-ce qu'elle est... morte? Est-ce qu'elle est morte? Oui. Faire. La petite fille vous regarde. Elle vous a entendu crier « Jennifer !» La petite? Elle a le bras tendu comme si elle donnait toujours la main à sa mère. Oui, c'est vrai. C'est une belle image. Elle est où, sa mère? Par terre, évanouie. À deux rues d'ici, il y a un petit square, charmant, avec des jeux pour enfants, un bac à sable, des bancs, des platanes. Vous êtes qui? Vous voyez le monsieur qui vous a donné les mouchoirs? Non, pas à droite, à gauche. Voilà, avec le chapeau. Vous n'avez qu'à le suivre. D'accord. Est-ce que vous souhaitez que je vous mette un peu de musique, histoire de vous changer les idées? J'aimerais être un peu seul. Très bien, à tout à l'heure. Oui? Monsieur Didier Delacroix? Excusez-moi, j'attends un appel. Mais c'est moi. Mais non, c'est pas moi. C'est pas vous. Ne criez pas, vous allez faire peur aux enfants. Votre numéro ne s'affiche même pas sur mon portable. C'est moi, je vous dis, j'ai changé de voix, c'est tout. Je me suis dit, vous venez de subir un choc, alors je vais prendre une voix de femme. C'est plus doux, c'est rassurant, c'est la voix de maman. Vous êtes complètement con. Pardon? Je dis, vous êtes complètement con, ou conne, comme vous voulez. Bien, je pense que vous avez fini par comprendre que je ne suis pas Fred. Oui, merci, j'ai compris. J'aimerais savoir pourquoi vous me pourrissez la vie. Vous êtes bien Didier Delacroix, 32 ans, comptable dans une société d'assurance, domicilié au 32, rue de la Victoire. Oui. Alors voilà pourquoi. Merci, ça m'aide vachement. Madame Monique Mésange, vous connaissez? Oui, je ne savais pas qu'elle s'appelait Monique, mais oui, je la connais, c'est ma voisine du dessous. Madame Monique Mésange, 78 ans, veuve, retraitée de l'éducation nationale. Je viens de vous dire que je la connais. C'est ma réponse à votre question. Vous vous foutez de moi? Non. Et maintenant, on fait quoi? On attend. On attend quoi? Que ça passe. Mais vous voulez ma mort ou quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'avez rien fait, mais je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Quoi? J'adore regarder jouer les enfants. Pourquoi vous me parlez de Madame Mésange? Une pelle, un seau, une balle de tennis et c'est parti pour la grande aventure. Depuis le début, vous voyez tout ce que je vois, tout ce que je fais. Vous êtes où? À côté de vous. Ah, c'est ça. Foutez-vous de ma gueule. Vous êtes l'homme, la femme invisible. Je suis tellement proche de vous que je peux parler dans le creux de votre oreille. Pourquoi on est ici, dans ce putain de square? Vous posez beaucoup de questions, mais vous n'écoutez pas les réponses, je vous l'ai déjà dit, on attend. Non. Non, vous n'êtes pas du genre à attendre comme ça pour rien. Pour le plaisir de regarder jouer des enfants. Vous me prenez pour un con. Allô? Y a quelqu'un à l'autre bout du fil? Vous voyez les trois enfants qui s'amusent sur le toboggan? Ils sont en face de moi? Vous voulez savoir ce qu'ils vont devenir? Ou à quelle date ils vont mourir? Ni l'un ni l'autre. La petite blonde deviendra pilote de chasse. Celui qui descend la tête la première sera boucher. Un bon boucher, avec de la bonne viande. Et je vous prie de croire que dans 20 ans, pour trouver de la bonne viande, il faudra se lever de bonne heure. Je m'en fous, je suis végétarien. Et le troisième, là, qui arrête pas de rigoler, malheureusement, il n'aura pas le temps d'avoir un métier. Il est mort de quoi? D'une balle perdue. Quand? Maintenant. Non, n'allez pas là-bas. C'est pas la peine, il est mort. Il faut s'occuper de l'autre. Quoi? Quel autre? Dans le bac à sable. Mais putain, y a plein de monde dans ton putain de bac à sable! Des papis, des mamies, des parents, des nounous, à quatre pattes, à genoux, ça hurle de tous les côtés! Mais je m'en bats les couilles de ton reportage radio. Je veux que tu sauves le petit, là, au milieu, en salopette. Mais le sauver de quoi? Je le vois pas! Putain, je le vois pas! Où sont ses parents? Sa mère est médecin. Elle est avec le gamin qui s'est fait tirer dessus. Mais il est mort! Pas encore. Ça y est, je le vois, le petit en salopette. Mais qu'est-ce qu'il a? Il vient d'avaler une bille. Je fais quoi? Il est en train d'étouffer. Mais je fais quoi, bordel de merde? Tu te bouges le cul. Tu fais ce que tu peux, mais tu lui fais cracher la bille. Donne le téléphone au type à côté de toi. Tenez. Mais non, pas lui! T'es con ou quoi, le type avec le chapeau? Allez, vas-y, c'est une question de seconde! Tenez. Allô, monsieur? Jesus fucking Christ! What the fuck is going on here? Not a single screen is working! Hello, sir. Gauvin, vous tombez bien. Tous mes écrans sont tombés en rade. Get me the motherfucker who did this mess. I'm gonna kick his damn ass. Je vois plus rien, dites-moi ce qui se passe. Didier donne des claques dans le dos de l'enfant. Très bien, et alors? L'enfant va mourir dans 8 secondes. 8 secondes. 7 secondes. 6. Didier prend l'enfant par les pieds. 5. Il le soulève. 4. Il le secoue dans tous les sens. 3. Le petit vient de cracher la bille. Dégagez. Dégagez de là. Didier, venez, on y va. J'arrive. Et la mère? Qu'est-ce qu'elle fout, la mère? Super. Elle est sous contrôle, elle s'occupe du gamin qui s'est pris une balle. Il n'est pas encore mort? Elle est accroupie, dos à l'action. Tristan et Hector sont juste derrière elle. Le garçon, comment il s'appelle? Gwendal Lamori. Il n'est pas encore mort? Non, monsieur. Comment ça se fait? Je ne sais pas, monsieur. Tu vas voir le coup qu'elle va nous le sauver, c'est pas possible. Didier, il faut vraiment qu'on y aille. Oui, j'arrive. Comment ça, faut qu'on y aille? Vous êtes encore dans le square? C'est-à-dire, monsieur, comme je vous parlais, je... Mais putain de merde, Gauvin, vous ne savez pas parler au téléphone en marchant? Je sais bien que pour régner sans partage, il faut s'entourer de médiocres. Mais pas à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Passez-moi Didier. Didier, il veut vous parler. Oui, allô? Bravo Didier, beau boulot. Maintenant, nous allons prendre la direction de votre domicile. Pourquoi vous m'avez demandé de sauver la vie de ce gamin? Si vous le souhaitez, je peux mettre une voiture à votre disposition. Pourquoi? Avec chauffeur, évidemment. Didier? Didier? Ah, mais cet enfoiré m'a raccroché au nez. J'en ai marre. Je bouge plus. Tenez. Merci. Allô, monsieur ? Covin, c'est quoi ce bordel ? Didier s'est assis par terre, en plein milieu du trottoir. Il veut sa réponse. Il fait un caprice. Passez-le-moi. Didier ! Mais il veut vous parler. Non, non, non, je veux plus lui parler. Faites pas l'enfant. Allô ? Didier. Ah ! Vous avez repris votre voix de mâle viril et solitaire. Papa est fâché ? Didier, je suis d'une patience avec vous, je ne me reconnais pas. Nous avons sauvé cet enfant en raison de son utilité pour nous dans le futur. Je viens de sauver le nouveau Jésus-Christ ? Non. Vous venez de sauver un des plus grands tueurs en série du 21e siècle. Quoi ? Vous déconnez ? C'est pas le genre de la maison. Bon, maintenant il faut se lever. Nous avons rendez-vous avec Madame Mésange au pied de votre immeuble. Je ne bougerai pas. Je bougerai plus. Écoutez-moi bien, Didier. On va arrêter de jouer au plus con. Votre petite amie, Sandra, s'apprête à prendre l'ascenseur. L'inspection de sécurité est pourtant passée il y a une semaine, jour pour jour. Quoi ? Une chute libre de 15 étages. Ce n'est plus une petite amie que vous avez. C'est une très, très petite amie. Votre mère, c'est trop beau pour y croire. Elle lave les vitres sur la pointe des pieds, sur son escabeau. Pourtant, vous lui avez dit un nombre de fois incalculable de ne pas faire ça. Non. Son appartement est situé au 5e étage. D'après vous, c'est le chiffon ou c'est votre mère qui va arriver le premier ou la première en bas ? En l'espace de quelques secondes, je peux réduire votre existence à zéro. Bulle de savon, le néant. Vous voulez que je continue ? Non. On va passer aux amis. Fred, Manu et Stéphane. Je suis debout. Parfait. Maintenant, direction la maison. Nous avons rendez-vous au pied de votre immeuble avec Madame Mésange. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien. Elle n'a rien fait. Vous savez, la plupart des gens ne font rien de leur vie. Mais là, aujourd'hui, dans quelques minutes, il faut qu'elle meure. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, quand vous serez devant votre immeuble. Je suis dans l'obligation de vous quitter pendant un laps de temps que j'espère le plus court possible. Je dois régler ce problème de vidéo. Parce que je suis entouré d'incompétents surdiplômés. Pour patienter, je vous ai préparé une playlist. J'aime bien écouter de la musique en marchant. Vous me direz ce que vous en pensez. Changer. Hey. Chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, chut, je vais pas attendre. Plus, plus, plus, plus. Ah bah voilà. Il lui a manqué celle-là, c'est sûr. Et la joie, ouais. Chez vous. On est dans les temps, c'est parfait. Quand je pense que j'ai travaillé des années et des années sans écran, sans machin, sans bidule, et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Enfin, tout est réparé, c'est l'essentiel. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la croix ? Là, sur le trottoir, à droite de la porte d'entrée. Là ? Merci. On me dit que Madame Mésange est sur le point d'arriver. Elle revient des courses chargée comme une mule. C'est nickel. Vous faites le gars qui téléphone ou qui envoie un texto. Bonjour Madame Mésange, je peux vous aider. Ok. Vous voyez les inscriptions sur le trottoir? Oui. Ce sont des repères pour des travaux de canalisation dans votre rue. C'est très utile. Ce n'est pas la première fois qu'on s'en sert. Il faut que Madame Mésange se place sur l'inscription BP080. D'accord. C'est quasiment en face de vous, mais pas tout à fait. Et question à deux balles. Qu'est-ce qui va se passer? Un accident à la con. Comme on en voit encore dans les grandes villes. Elle va se prendre une jardinière sur le coin de la gueule. Oh putain. Didier. Monique Mésange, qui à l'époque s'appelait Monique Romilly, aurait dû mourir à l'âge de 8 ans, d'une vilaine chute dans un escalier. Mais le hasard a voulu que sa mère, qui partait au lavoir, avait déposé une panière de linge sale sur le palier, contre la dernière marche. Ça lui a sauvé la vie. 30 ans plus tard, elle aurait dû mourir dans un accident de voiture. Résultat des courses, c'est son mari et ses deux enfants qui sont morts. Ce jour-là, allez savoir pourquoi, alors qu'elle ne le faisait jamais, elle a mis sa ceinture de sécurité. Bon, c'est vrai, après, elle a eu plutôt une vie de merde. On ne s'est plus occupé de son dossier. Mais maintenant, elle a 78 ans. Si vous comptez bien, elle a eu un bonus de 70 ans. Il est temps de mettre fin à son forfait. La voilà. Bonjour, Madame Mésange. Bonjour, Monsieur Delacroix. Vous allez bien? Gauvin, vous me confirmez l'emplacement de la vieille? Non, pas encore. Vous n'avez pas froid? Allez, ça va, mais... allez, mamie. Vous voulez que je vous aide? Allez, un petit pas. Merci. Un tout petit pas. Voilà. Ok, la cible est verrouillée. Lance-le. Lance-la. Depuis le temps que je voulais la faire, celle-là. Gauvin au rapport, monsieur. J'écoute. La vieille dame s'est évanouie. Mais je m'en fous de la vieille dame. On lui fait crédit jusqu'au 23 août 2038. C'est lui qui m'intéresse. Delta, Charlie, Delta. Gauvin, Lancelot, Tristan, Hector, mission accomplie. Retournez dans vos quartiers. Didier Delacroix, il aurait dû mourir à l'âge de 4 ans. Noyade dans la piscine familiale, les parents faisaient la sieste, il a été sauvé par le chien du voisin, un labrador. Incroyable. Il aura eu un bonus de 28 ans, c'est déjà pas mal. Ah merde! Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de lui demander ce qu'il avait pensé de ma playlist. C'était À l'autre bout du fil de Philippe Touzet. Avec Didier Delacroix, Mathieu Genet. Les voix au bout du fil, Yves Yann, Xavier Brossard, Andrea Brusque. L'homme au chapeau, Jean-Charles Dizazon. Et les voix de Manon Leroy, Sophie Bezard, Othello Vilgar et Rosalie, Julia, Baris et Félix. Prise de son, montage et mixage, Antoine Espel, Emmanuel Arming, Benjamin Vignal. Bruitage, Patrick Martinache. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Pablo Valéron. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, touch me. Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? I'm coming home. Affaires sensibles, la fiction. En Chine, Big Brother is really watching you, c'est pas de la science-fiction. Bienvenue dans un pays où 176 millions de caméras de surveillance, il y en a partout et elles vous pistent. À Shanghai par exemple, si vous ne traversez pas dans les passages piétons, votre photo apparaîtra sur un grand écran au carrefour jusqu'à ce que vous ayez payé l'amende qui correspond à l'infraction. Et il y en a de plus en plus de ces caméras, y compris des caméras à reconnaissance faciale. La société Dahua, par exemple, en a vendu 1 million aux autorités, ce qui leur donne des pouvoirs absolument terrifiants. Chaque visage correspond à une carte d'identité, explique le patron de la société. On peut tracer tous vos mouvements sur la semaine qui précède. On peut faire correspondre votre visage à votre voiture, à vos proches, à vos contacts. Et avec assez de caméras, on peut même savoir qui vous voyez régulièrement. Un reporter de la BBC a voulu faire le test. Le voilà dans les locaux de la police de Guiyang. Il va demander aux policiers de le retrouver grâce aux caméras. Alors ça y est, on est sur un pont. Il y a une, deux, trois caméras. Et là, juste derrière moi, bonsoir les gars, je vous attendais. Voilà, ce reporter qui a été lâché en plein milieu de la ville, eh bien la police a mis 7 minutes pour le retrouver dans une ville de 3 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on peut savoir où vous êtes n'importe quand. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui à l'autre bout du fil, notre invité Erwan Cario, journaliste à Libération, spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonjour Erwan Cario. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, vous avez participé aux deux numéros hors série de Libération et France Inter sur l'intelligence artificielle, des numéros qui nous ont beaucoup aidés pour préparer cette émission. C'est normal, c'est chez nous, c'est à nous, alors on pisse dedans, tranquillement. C'est le but. Et puis vous livrez votre obsession, comme vous dites, alors que les lecteurs puissent appréhender en quelques lignes un sujet que j'ai mis moi-même, vous, en fait, des mois à comprendre, moi c'est des années, des mois à comprendre vraiment. Bah, je trouve que c'est aussi une belle définition du rôle de journaliste. Alors on va explorer tout ça, avec tout d'abord, on va considérer les avancées et les risques, et avant de les considérer, essayons de cerner ces frontières du nouveau monde numérique. Quelle est votre définition, par exemple, de l'intelligence artificielle ? Alors, bah déjà, il m'a fallu quelques mois. Je suis pas sûr de pouvoir définir là, pour le coup, en quelques secondes ou quelques minutes, ce qu'englobe ce terme d'intelligence artificielle. Je vais reprendre une définition, enfin, je vais la reprendre approximativement, de Yann Lequin, qui est donc le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. Il dit « L'intelligence artificielle, c'est faire aux machines quelque chose qu'on attribue généralement aux êtres humains ou aux animaux. » Ouais. Voilà. Effectivement, c'est un postulat assez clair à partir duquel on va pouvoir commencer notre exploration. Quelles parties de nos vies sont déjà impactées et le seront bientôt? Une très grande partie de nos vies. Alors, c'est étonnant de savoir que, grosso modo, toute notre vie numérique est impactée. Alors après, est-ce qu'il y a des limites entre la vie numérique, la vie physique, la vie réelle et celle où on est connecté par nos smartphones et la géolocalisation et ce genre de choses? Bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui est numérique est plus ou moins impacté par l'intelligence artificielle. Il faut voir que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, et votre introduction il y a tout à l'heure en début d'émission, hein, c'était très clair, on parle de données. On parle des données qu'on laisse, on parle des données que les entreprises qui nous livrent ces services si utiles utilisent, moulinent et analysent pour prévoir ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait... Et nous vendre leurs produits. Et nous vendre les produits des annonceurs. Surtout. Et donc, toute cette intelligence artificielle nous accompagne dans la vie d'une manière remarquablement invisible. C'est-à-dire que quand on parle à notre téléphone, quand notre téléphone nous comprend, quand on dit « bonjour Google », alors moi j'utilise pas trop, mais il y a des gens qui sont très très fans de ces services où on parle à son téléphone, rien que le moment où le téléphone va comprendre le mot « bonjour », c'est tout un système basé sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, qui ont appris à reconnaître le mot bonjour. Ils l'ont appris en entendant des dizaines de millions de gens prononcer le mot bonjour, et les neurones comme ça ont fini par apprendre à reconnaître très bien le mot bonjour. Il faut bien voir que cette reconnaissance vocale, elle existe quand même depuis des années, mais on n'a pas bien vu le moment où ça a basculé. C'était aux alentours de entre 2012 et 2015, et d'un coup d'un seul, eh bien les machines se sont mis à nous comprendre d'une manière très fluide, et on s'en est à peine rendu compte. Et un autre exemple qui rentre dans la vie courante d'une manière quasiment invisible, totalement indolore, c'est la reconnaissance d'images. Aujourd'hui, dans son téléphone, on prend beaucoup de photos avec son smartphone, on peut rentrer dans un moteur de recherche le mot « plage ». Et là, le téléphone va nous sortir les photos de plage. Mais rien que ça, c'est devenu naturel, mais rien que la technologie qui est derrière, l'apprentissage, quand on imagine le nombre de photos de plage qui ont dû être montrées à ces réseaux de neurones pour qu'ils finissent par dire « ok, bah ça c'est une plage, là il y a de la mer, là il y a un arbre, là il y a un chat », c'est une technologie qui est très récente, c'est une technologie qui a moins de 10 ans. Alors, il y a deux questions fondamentales, me semble-t-il, que l'intelligence artificielle soulève, celle des libertés, on va y venir, bien sûr, et celle du travail, de l'emploi. On va commencer par là, parce qu'il y a alors soit une peur légitime, soit un fantasme autour de l'emploi, du travail et de l'intelligence artificielle, qui serait par définition destructrice de travail réel. Fantasme ou peur légitime ? C'est compliqué j'ai pas de boule de cristal avec moi, donc c'est vrai que c'est compliqué à dire. J'aurais tendance à considérer que c'est un fantasme assez récurrent. C'est un fantasme qui est venu avec la machine, en fait, qui est lié à la machine, qui est lié à l'automatisation de certaines tâches. L'industrialisation n'a pas supprimé d'emplois. L'intelligence artificielle, dans sa forme actuelle, on pourra peut-être parler des fantasmes, de ce que ça peut donner dans 20 ou 30 ans, mais dans sa forme actuelle, l'exemple le plus courant qui est donné très rapidement, c'est celle des radiologues. Et c'est vrai que la radiologie, en tout cas l'acte de lire, de regarder une radio, c'est un acte où on essaie de reconnaître des petits motifs dans des images. Et ça, l'intelligence artificielle, c'est en tout cas c'est un des domaines aujourd'hui où elle est très, très, très forte. Donc c'est naturel. Dans le monde des radiologues, l'intelligence artificielle va jouer un rôle majeur. Va-t-elle supprimer des emplois ? Mais rien n'est moins sûr, parce que je pense que vous demandez à un radiologue aujourd'hui c'est quoi la partie de son travail où il sent qu'il est utile. Oui. Est-ce que c'est le moment où, avec une loupe ou je ne sais pas quel appareil il utilise, il va être à scruter sa radio? Non, c'est dans l'interprétation. C'est dans l'interprétation, c'est dans le rapport au patient. Au patient. C'est expliquer au patient ce que c'est, etc. Et là, vous pouvez demander à n'importe quelle intelligence artificielle, elle sera démunie. Et c'est d'ailleurs le même processus qui a eu lieu avec la révolution industrielle et un peu plus tard avec les robots aussi, qui ont évité aux hommes et aux femmes qui travaillaient de faire les tâches les plus pénibles. Oui. Donc il y a aussi effectivement cet aspect positif. Alors maintenant, on arrive arrive à la deuxième grande peur, elle est sur nos libertés. Alors on se dit, ça va devenir orwellien. Donc bon pour les régimes autoritaires, au passage, le flicage. Vous avez entendu l'archive de tout à l'heure, de Florence Paracuelos, qui nous expliquait qu'en Chine, on pouvait reconnaître quelqu'un, reconnaissance faciale. Alors là, c'est quand même une peur légitime, non ? C'est une peur absolument légitime. Et encore une fois, on en revient à ce sujet des données. Parce que finalement, dans ce système de reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle existe, elle est présente, mais elle est présente aux alentours, aux abords. Finalement, le cœur, c'est les données, c'est les bases de données monumentales, interconnectées entre elles, et l'interprétation rapide par la puissance de calcul des ordinateurs d'aujourd'hui de toutes ces données en temps réel. L'intelligence artificielle, dans la reconnaissance faciale, finalement, elle sert pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle, mais finalement, c'est sur une utilisation, quelle utilisation des données aujourd'hui on permet en tant que consommateur. C'est intéressant, ça veut dire que dans un régime démocratique, on peut avoir la même intrusion de l'IA sur nos vies, mais tout dépend de ce qu'on en fait, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Alors après, il y a un vrai danger qui est lié au fantasme concernant l'intelligence artificielle, c'est que avec toutes ces données, eh bien, il y a des gens qui vont créer des intelligences artificielles, qui vont prendre des décisions d'une manière quasi automatique, et ça existe notamment dans la justice aux États-Unis sur quel est le risque de récidive de tel ou tel accusé, quel est le risque, intelligence artificielle, dis-moi quel est le risque de récidive, je te donne son casier, où il est né, etc. Et c'est utilisé. Et l'intelligence artificielle, elle a cette caractéristique, c'est que quand on lui pose une question, elle répond. Elle ne répond jamais « je ne sais pas ». Elle répond oui, non. Parfois, elle ferait bien. Et parfois, elle ferait bien. Mais elle répond très rarement, ou en tout cas, ça dépend de la manière dont elle est programmée. Elle va rarement répondre « je ne sais pas ». Donc, elle va prendre une décision. Et le problème, c'est que ces réseaux de neurones sont des systèmes hyper complexes. Et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On sait comment on leur a appris, mais on ne sait pas vraiment comment ils raisonnent. Et donc, ça va permettre de faire des décisions. Et est-ce qu'on a confiance dans ces systèmes-là ? Ça, c'est une autre question. Bien. Alors, on va se retrouver tout à l'heure. Et comme à France Inter, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a que des intelligences tout court. Élise Christophe et Anne Niro vont nous passer de la musique. Et on se retrouve dans 3 minutes. Voilà, on leur demande et on a en face de nous des vrais gens. C'est bien aussi. C'est... Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever, but tune to always makes a fire. Erwan Cario, nous nous retrouvons pour parler de l'intelligence artificielle. On a exploré deux chemins, les chemins de l'emploi, les chemins de nos libertés. Il y a peut-être un troisième qui nous renvoie au syndrome 2001 ou l'Odyssée de l'espace, quand l'ordinateur de bord, chez Kubrick, un certain Hal prend le pouvoir sur l'astronaute. C'est la troisième question, le risque Frankenstein, que la machine prenne le pas sur l'homme. Là aussi, c'est quand même une question importante. C'est une question importante. Le contrôle de ce qu'on crée. Oui, c'est une question fascinante en tout cas. Oui, et face à ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables maintenant de nous écraser au go, enfin m'écraser moi au go, c'est pas une belle performance, mais le meilleur joueur du monde, c'est mieux. Oui. On a vu aux échecs aussi. Aux échecs, mais donc on a l'impression comme ça de perdre le contrôle, enfin, ouais. et de perdre notre sorte de suprématie de l'intelligence qui était attribuée à l'être humain. Et c'est vrai que il y a cette question là. Aujourd'hui, tous les chercheurs que j'ai pu rencontrer et tous ceux qui travaillent en recherche fondamentale, ils sont plutôt rassurants. Ça dépend si on l'espère ou pas, mais ils disent c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain qu'on aura une intelligence artificielle consciente, une intelligence artificielle supérieure, forte comme certains l'appellent, parce que on ne sait pas comment faire. Autant l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle a profité des bases de données gigantesques et de la puissance des ordinateurs et elle arrive à faire ces résultats formidables en termes d'analyse d'images. Autant une intelligence artificielle qui aura ce qu'on appelle le sens commun. Le sens commun, c'est comment fonctionne le monde. Nous, on l'a, un bébé l'a très facilement, très rapidement. On ne sait pas faire une intelligence artificielle qui a le sens commun, qui va comprendre pourquoi un objet tombe. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut se rappeler que l'intelligence artificielle, elle arrive de cerveau humain. Mmh. Ça, c'est très important. Et tant qu'on a ce contrôle-là, ce postulat, les risques sont moins grands, moins effrayants en tout cas. Les risques sont moins effrayants. Après, c'est un but de la recherche fondamentale d'améliorer. Il y a cette quête de l'intelligence. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est effectivement un mot qui désigne une technologie, mais c'est aussi un objectif, une quête pour la recherche fondamentale de comment est-ce que l'intelligence humaine fonctionne. Mmh. Alors, ils se mettent à regarder comment fonctionne le vrai cerveau, c'est quoi les algorithmes de la cognition, ça c'est des choses qu'ils aiment beaucoup, et essayer de les reproduire à l'intérieur des machines. Mais pour l'instant, on ne trouve que des impasses, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment reproduire cette formidable capacité, notamment d'apprentissage, qu'on a dans le cerveau humain. Bon, alors on va maintenant ouvrir le catalogue, on a déjà un petit peu abordé cela, mais ouvrir le catalogue du progrès que représente l'intelligence artificielle. Je pense à la santé, notamment. Un domaine qui aurait beaucoup à gagner avec l'intelligence artificielle. Ben, l'homme prolongé, vous savez, avec des applications notamment, ou ce qu'on peut nous greffer dans la peau, qui vraiment peut être utile pour notre santé et le contrôle de notre santé tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles, hein, qui sont liées à l'émergence de l'intelligence artificielle. On a parlé des radiologues tout à l'heure. Il y a tout ce qui est des analyses de données. Il y a des recherches aujourd'hui, notamment en France, sur l'analyse du cerveau pour prévoir l'évolution de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et ça utilise des processus d'intelligence artificielle. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment très prometteuses. Après, il y a toujours ce fantasme de l'homme augmenté. Oui. C'est-à-dire que... j'ai dit l'homme prolongé, mais c'est l'homme augmenté, c'est vrai. Et la médecine est là pour réparer l'homme. Tant qu'on se sert de l'intelligence artificielle pour réparer l'homme, je pense que ça ne fait pas de débat. C'est permettre aux gens d'avoir une vie finalement en bonne santé. Mmh. Quand il s'agit d'augmenter l'homme, où est-ce qu'on va? Quand on veut s'augmenter, on va encore être peut-être plus dépendant de ces GAFA, de ces entreprises comme ça qui contrôlent déjà énormément de notre vie. Si en plus on leur donne le pouvoir sur notre œil, je ne sais pas. Pour ceux qui n'auraient pas compris que quand on est, on a vocation à mourir, donc on est de passage, l'intelligence artificielle, elle va aussi abreuver le fantasme d'immortalité. Mmh. Vous savez, certains progrès de la médecine prennent des chemins étranges de l'immortalité. Mmh. C'est une circonstance aggravante, l'IA, pour ça. C'est surtout un très très gros fantasme, c'est ce qu'on appelle évidemment le mouvement des transhumanistes, avec des figures très connues comme Kurzweil qui travaille chez Google et qui prévoit comme ça qu'on pourra transférer notre conscience dans un ordinateur à horizon 2045. Je pense que c'est un horizon qui progresse de 5 ans tous les 5 ans, donc c'est quelque chose qui est assez lointain quand même. Et aujourd'hui, il n'y a aucune réalité scientifique, technologique, qui peut accréditer cette thèse. Et on peut parler avec n'importe quel neuroscientifique, n'importe quel chercheur en intelligence artificielle. ils sont plutôt dubitatifs sur ces perspectives-là. Tant mieux. Dites-moi, qu'il y ait une intelligence artificielle, c'est bien. Enfin, ça passe par des machines, ça passe par des manipulations qui normalement devraient être complètement simples. C'est pas tout à fait le cas. On est tous un peu perdus. Ne serait-ce qu'avec un smartphone, on peut être perdu. Certains utilisent que le quart de ce que peut faire un smartphone. Bref, il faut faire une espèce d'apprentissage machine, non ? Il faut, et je pense que c'est aussi un de nos objectifs en faisant ce supplément intelligence artificielle, je pense qu'il est capital, il est important dans notre monde que les gens comprennent ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'ils soient capables eux-mêmes de programmer une intelligence artificielle, c'est pas ça le problème. C'est de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes à l'intérieur pour savoir comment sont utilisées leurs données, comment peuvent être détournées aussi l'usage de des données qu'ils donnent, pour comment est-ce que donner sa géolocalisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Google, et ben ça peut être pratique pour se rappeler où on était il y a une semaine, mais finalement il peut y avoir aussi des usages par des systèmes prédictifs, par des systèmes d'intelligence artificielle qui sont un peu gênants et qui finalement c'est aussi une énorme violation de la sphère intime. Alors, ce progrès-là, il faut absolument, évidemment, le prendre en compte et prendre des décisions importantes. Qui décide, finalement, sur quels critères ? Est-ce qu'il faudrait que l'intelligence artificielle bénéficie d'une sorte de gouvernance mondiale ? En tout cas, il faut qu'il y ait une vraie réflexion et une vraie formation, notamment des informaticiens et des techniciens, sur l'éthique des données. On y revient toujours. C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de formation. Et on sait que depuis 20 ans, toutes les technologies informatiques ont un impact social très fort. Et on donne les clés, on donne le pouvoir à des gens qui ne sont pas du tout formés pour se poser des questions qui peuvent être aussi bêtes, aussi importantes, on va dire, que l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça semble bête, mais eux, il faut qu'ils intègrent ça dans leur code. S'ils ne le font pas, l'intelligence artificielle, elle a une légère tendance à prendre les données du passé pour prendre les décisions du futur. Donc si on n'a pas cette réflexion sur l'éthique, on va reproduire les biais du passé pour prendre les décisions du futur. Alors s'il y a une réflexion sur l'éthique et des décisions à prendre adossées à l'éthique, et on voit que ce sujet il est aussi philosophique que technique, même plus philosophique que technique, ça doit revenir aux politiques. C'est pour ça que je vous parlais de gouvernance mondiale, peut-être. Évidemment que ça doit être politique. Et il faut que les politiques se saisissent, ne parlent pas uniquement de l'intelligence artificielle comme d'une possibilité économique, un peu comme c'est le cas aujourd'hui avec les rapports qui nous parlent de milliards d'euros ou de dollars, mais comme un sujet de société et ne pas laisser la seule décision à des entreprises qui disent prendre en compte l'éthique. Il y a des groupes d'industriels qui se créent pour on va réfléchir tous ensemble sur le sujet de l'éthique. Il faut aussi que ce sujet soit politique avant tout et que les gouvernements prennent en charge ce sujet. Toute dernière question, est-ce que ce qu'il faut absolument éviter, alors on dit oui, l'intelligence artificielle avec une éthique, avec une feuille de route, mais est-ce que ce qu'il faut vraiment éviter, c'est que l'homme et le robot ne fassent plus qu'un ? Est-ce que c'est ça la cible à éviter ? Surtout pas ça. C'est assez évident. On n'a pas forcément envie de se marier, de fusionner comme ça avec la machine. Après, je pense que c'est un débat de société. Où est-ce qu'on veut aller ? Quel monde on veut avoir ? Aujourd'hui, finalement, aussi, cette question de fusion avec la machine peut sembler presque anecdotique par rapport aux autres défis de la société. On nous promet des choses pour dans 20 ans qui font pas énormément plaisir. Est-ce que l'humanité doit se concentrer sur le fait de fusionner avec la machine ? Je pense qu'il y a peut-être d'autres sujets qui sont peut-être plus important à régler avant. Bien, en tout cas, merci infiniment Erwan Cario, et donc j'encourage nos auditeurs à lire ce numéro spécial de Libération et de France Inter, intitulé « Voyage au cœur de l'IA », acronyme qui va devenir célèbre, Intelligence Artificielle. Merci. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui à l'autre bout du fil, une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Sophie Haute-Picon, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Lioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Élise Christophe et Vincent Godard.